À l'intérieur du petit palais. Tiens, il y a aussi une exposition d'art celte. Par ici, l'entrée. Les billets sont à combien? 2 francs pour les adultes et 1 franc pour les enfants. Je regrette, je n'ai que 2 gros billets. Alors, 2 billets. L'exposition Cézanne, c'est où? Vous n'avez qu'à suivre les flèches.